temps pour une after de funérailles. Quoi donc, une idée tordue ? Non, un ventilateur. Mais qu'est-ce que... Can't touch this. time. Don't you? Detroit. already, big man. We'll be right back. Thank you. n'arriverez pas à tous nous arrêter. We'll be right back. suis dans un sale état, les gars. Je suis trop vieux pour ces conneries. J'aurais bien besoin de me requinquer.

I'm doing